Je suis dans un état mental de lutte contre mes pensées, mais tabarnak, il n'y a rien d'intelligent, puis je flush la pensée aussitôt. Rarement, il y a un flash qui me donne la solution pour des trucs anodins. Ouais. Ben, l'affaire, c'est que, justement, ça fait partie de l'épuration du mental, ça. J'ai été des années à chialer intérieurement, à dire, vous m'envoyez jamais rien d'intelligent. Ça m'a un petit peu vidé. Puis bon.